Chapitre 4. Le lendemain matin, sur le plateau de son petit déjeuner, Miss Barr trouva un mot de son hôtesse. « Chère Lily, si cela ne vous ennuie pas trop de descendre vers 10 heures, voulez-vous venir dans mon petit salon m'aider à quelques fastidieuses besognes ?» Lily jeta le billet de côté et s'affaissa sur ses oreillers en soupirant. Oui, c'était ennuyeux de descendre à 10 heures. Une heure que les hôtes de Bellarmont assimilaient vaguement au lever du soleil, et elle ne connaissait que trop bien le caractère des fastidieuses besognes en question. Mais Sprague, la secrétaire, avait été appelée au loin, et il y aurait des lettres, des invitations à écrire, des adresses égarées à rechercher et autres corvées mondaines. Il était entendu que Miss Barth devait faire l'intérim en de semblables conjonctures, et d'habitude, elle se soumettait à cette nécessité sans murmurer aucunement. Aujourd'hui, cependant, cela ravivait le sentiment de servitude qu'avait fait naître l'examen de son carnet de chèques la nuit précédente. Autour d'elle, tout contribuait à lui donner des sensations d'aise et de douceur. Les fenêtres ouvertes laissaient pénétrer la fraîcheur étincelante d'une matinée de septembre, et à travers les rameaux jaunis, elle découvrait une perspective de haies et de parterres qui menait l'œil par des degrés d'une régularité décroissante aux libres ondulations du parc. Sa femme de chambre avait allumé dans l'âtre un petit feu qui rivalisait de gaieté avec les rayons obliques du soleil sur le tapis vert mousse et venait caresser les flancs bombés d'un vieux bureau en marqueterie. Près du lit, sur une table, le plateau du déjeuner portait son argenterie et ses porcelaines harmonieuses, à côté une touffe violette dans un svelte cornet de cristal et le journal du matin plié sous les lettres. Il n'y avait rien de nouveau pour Lily dans ces menus gages d'un luxe étudié. Mais bien qu'ils fissent partie intégrante de son atmosphère, elle n'était jamais devenue insensible à leur charme. Elle se trouvait supérieure à la pure ostentation, mais elle sentait en elle une affinité avec toutes les manifestations plus subtiles de la richesse. La convocation de Mrs. Trainor lui rappela toutefois brusquement sa dépendance. Elle se leva et s'habilla dans un état d'irritabilité où d'ordinaire elle était trop prudente pour s'abandonner. Elle savait que de telles émotions laissent des traces sur le visage aussi bien que dans le caractère. Elle avait été avertie d'y prendre garde par les petites rides que l'examen de minuit lui avait révélées. Son irritation fut augmentée par l'accueil de Mrs. Trainor, qui lui souhaita le bonjour le plus naturellement du monde. S'arracher du lit à une heure pareille, descendre fraîche et rayonnante, pour subir la monotonie de cette correspondance, cela méritait bien, semblait-il, que l'on reconnût d'une façon spéciale le sacrifice accompli. Mais le ton de Mrs. Trainor ne prouvait pas le moindre sentiment de la situation. « Oh, Lily, c'est gentil à vous d'être venue, » soupira-t-elle simplement de derrière le chaos de lettres, factures et autres documents domestiques qui prêtaient un fâcheux air commercial à l'élégance grêle de sa table à écrire. « Il y a une telle quantité d'horreur ce matin, » ajouta-t-elle en déblayant un peu le milieu de ce désordre. Et elle se leva, cédant son siège à Miss Barth. Mrs. Trainor était une grande belle femme que sa taille élevée sauvait tout juste d'un excessif embonpoint. Sa rose et blonde personne avait survécu à quelques 40 ans d'activité futile sans que le temps parût l'avoir trop maltraitée. Seulement, sa physionomie était devenue moins mobile et elle paraissait n'avoir d'existence que comme maîtresse de maison. Il était difficile de la définir autrement. Ce n'était pas tant qu'elle poussât trop loin l'instinct de l'hospitalité, mais elle ne pouvait supporter la vie que dans une foule. La nature collective de ses goûts l'exemptait des rivalités habituelles à son sexe. Il ne connaissait pas d'autre émotion personnelle que celle de la haine pour la femme qui s'avisait de donner de plus grands dîners que les siens ou d'avoir à la campagne des séries plus amusantes que les siennes. Comme ses talents de société soutenus par la fortune de M. Trainor assuraient presque toujours, dans les concours de ce genre, son triomphe final, le succès avait développé en elle une indulgence dépourvue de scrupules pour tout le reste de son sexe, et dans le classement utilitaire que Miss Barth établissait de ses amis, Mrs. Trainor était rangée comme la femme qui semblait le moins devoir lui jouer un vilain tour. « C'est tout bonnement inhumain de la part de Prague d'être parti en ce moment, » déclara Mrs. Trainor, comme son amie s'asseyait au bureau. « Elle dit que sa sœur est sur le point d'avoir un bébé, comme si cela se pouvait comparer avec des invités à demeure. Je suis sûr que je vais m'embrouiller terriblement, et il y aura d'affreuses histoires. » Quand j'étais à Tuxedo, j'ai invité une masse de monde pour la semaine prochaine. J'ai égaré la liste et je ne peux plus me rappeler qui doit venir. Et cette semaine aussi sera un horrible four. et Gwen von Osberg s'en ira raconter à sa mère combien les gens se sont ennuyés. Je n'avais pas l'intention d'inviter les Weatherall. Ça, c'est une gaffe de Gus. Il n'approuve pas qu'on ait Carrie Fisher, vous savez, comme si l'on pouvait s'empêcher d'avoir Carrie Fisher. Elle a fait une bêtise, c'est vrai, en souffrant ce second divorce. Carrie va toujours trop loin. Mais elle prétend que le seul moyen d'obtenir un sou de Fisher, c'était de divorcer et de le forcer à payer une pension alimentaire. Et la pauvre Carrie en était à un dollar près. C'est vraiment absurde de la part d'Alice Weatherall de faire tant de façons à propos de cette rencontre quand on pense à quel point en est la société aujourd'hui. Quelqu'un disait l'autre jour qu'il y a un divorce et un cas d'appendicite dans chacune des familles que l'on connaît. De plus, Carrie est la seule personne qui puisse conserver Gus de bonne humeur quand nous avons des raseurs à la maison. Avez-vous remarqué que tous les maris la trouvent à leur goût? Tous, je veux dire, excepté les siens. C'est assez malin, elle, de s'être fait une spécialité de se dévouer aux gens ennuyeux. Le champ est si vaste, et par le fait, elle est seule à l'explorer. Elle y trouve des compensations, sans doute. Je sais qu'elle emprunte de l'argent à Gus, mais je la paierai volontiers pour le tenir en bonne humeur, de sorte qu'après tout, je ne peux pas me plaindre. Mrs. Trenor s'arrêta pour jouir du spectacle de Miss Bart, s'efforçant de débrouiller les chevaux de sa correspondance. « Mais il ne s'agit pas seulement des Weatherall et de Carrie, » reprit-elle sur un nouveau ton d'affliction. « La vérité, c'est que Lady Cressida Raith m'a horriblement désappointé. »« Désappointé ? Ne la connaissiez-vous pas auparavant ?»« Dieu, non. Je l'ai vue hier pour la première fois. » Lady Skiddo l'a envoyée avec des lettres de recommandation pour les Von Osberg. Et j'ai appris que Maria von Osberg invitait une foule de gens pour la rencontrer cette semaine. Aussi me suis-je dit que ce serait piquant de la lui souffler. Et Jack Stepney, qui la connaissait des Indes, a arrangé cela pour moi. Maria était furieuse et a positivement poussé l'impudence jusqu'à forcer Gwen à s'inviter ici, de façon à ne pas être tout à fait en dehors. Si j'avais su ce qu'était Lady Cressida, ils auraient pu la voir. Je la leur aurais laissée de bon cœur. Mais je croyais que n'importe quelle amie des Skiddo était sûrement amusante. Vous vous rappelez comme Lady Skiddo était drôle? Il y avait des moments où il fallait tout bonnement faire sortir les jeunes filles. De plus, Lady Cressida est la sœur de la duchesse de Belcher, et j'ai naturellement supposé qu'elles étaient du même type. Mais vous ne pouvez jamais savoir avec ces familles anglaises. Elles sont si vastes qu'il y a place pour tous les genres. Et il se trouve que Lady Cressida représente le genre moral. Elle a épousé un clergyman et fait de l'apostolat dans les faubourgs de Londres. Pensez que je me suis donné tout ce mal pour une femme de clergyman qui porte des bijoux indiens et s'occupe de botanique. Elle s'est fait promener hier par Gus dans toutes les serres et l'a rasée à mort en lui demandant le nom des plantes. Cette idée de traiter Gus comme s'il était le jardinier. Mrs. Trenor lança ce dernier trait dans un crescendo d'indignation. Oh! Alors peut-être que la présence de Lady Cressida réconciliera les Weatherall avec l'idée de rencontrer Carrie Fisher, dit Miss Bart pacifiquement. Je le voudrais. Mais elle ennuie terriblement les hommes, et si, comme on assure qu'elle en a l'habitude, elle se met à distribuer des brochures pieuses, ce sera une consternation. Le pire, c'est qu'elle aurait été si utile au bon moment. Vous savez que nous sommes obligés de recevoir l'évêque une fois l'an, et elle aurait donné juste la note convenable à cette affaire-là. « J'ai toujours eu une telle guigne avec ces visites de l'évêque, » ajouta Mrs. Trenor, dont la détresse présente était alimentée par un torrent de réminiscences. « L'année dernière, quand il était ici, Gus a complètement oublié sa présence. Il a ramené avec lui les Ned Winton et les Farley, 5 divorces et des enfants de 6 lits différents. »« Quand Lady Cressida s'en va-t-elle ? » demanda Lily. Mrs. Trenor leva les yeux avec désespoir. « Ma chère, si l'on savait seulement... » J'ai été tellement pressé de l'enlever à Maria que j'ai véritablement oublié d'indiquer une date, et Gus prétend qu'elle a dit à quelqu'un qu'elle avait l'intention de rester ici tout l'hiver. Rester ici, dans cette maison? Ne faites pas la bête, en Amérique. Mais si personne d'autre ne l'invite, vous savez, ces gens-là ne vont jamais à l'hôtel. Peut-être Gus n'a-t-il dit cela que pour vous effrayer? Non. J'ai entendu Lady Cressida raconter à Bertha Dorset qu'elle avait 6 mois à occuper pendant que son mari faisait une cure en Engadine. Il fallait voir Bertha prendre un air absent. Mais je ne plaisante pas, vous savez. Si elle passe tout l'automne ici, elle gâtera tout, et Maria von Osberg exultera simplement. À cette affligeante vision, la voix de Mrs. Trenor trembla de pitié pour elle-même. « Oh, Judy !»« Comme si quelqu'un s'était jamais ennuyé à Belmont !» protesta Miss Bart avec tact. « Vous savez parfaitement bien que si Mrs. Van Osburgh arrivait à réunir tous les gens agréables et vous laissait les autres, vous vous arrangeriez pour faire tout bien marcher, et elle n'y parviendrait pas. » Une telle assurance aurait généralement réconforté Mrs. Trenor, mais cette fois le nuage ne disparut pas de son front. « Ce n'est pas seulement Lady Cressida, » gémit-elle. « Tout était de travers cette semaine. Je vois bien que Bertha Dorset est furieuse contre moi. Furieuse contre vous, et pourquoi ?»« Parce que je lui ai dit que Lauren Selden viendrait. Or, finalement, il n'a pas voulu venir, et elle est assez peu raisonnable pour s'imaginer que c'est ma faute. » Miss Barth posa sa plume et regarda distraitement la lettre commencée. « Je croyais que c'était fini, » dit-elle. « Oui, de son côté à lui. » Et naturellement, Bertha n'a pas perdu son temps depuis. Mais je me figure qu'il est inoccupé en ce moment, et quelqu'un m'a insinué que je ferais mieux d'inviter Lawrence. Eh bien, je l'ai invité, mais je n'ai pu le forcer à venir. Et maintenant, je suppose qu'elle me punira en étant parfaitement désagréable avec tous les autres. Ou bien elle peut le punir, lui, en étant parfaitement charmante pour quelqu'un d'autre. Mrs. Trenor hocha mélancoliquement la tête. Elle sait que cela lui serait égal. Et d'ailleurs, qu'y a-t-il d'autre? Alice Weatherall ne perd pas de vue son mari. Ned Silverton ne peut détourner ses regards de Carrie Fisher, le pauvre garçon. Gus ne peut pas supporter Bertha, Jack la connaît trop bien. Évidemment, il reste Percy Grice. Elle se redressa, souriant à sa pensée. La physionomie de Miss Barth ne refléta pas ce sourire. Oh, elle et M. Grice ne semblaient guère faits l'un pour l'autre. Vous voulez dire qu'elle le scandalisera et que lui l'ennuiera? Eh bien, ce n'est déjà pas un si mauvais début, savez-vous. Mais j'espère bien qu'elle ne se mettra pas en tête d'être aimable avec lui, car je l'ai invité tout exprès pour vous. » Lily se mit à rire. « Merci du compliment. Je ne pourrais certainement pas faire figure à côté de Bertha. Croyez-vous que je veuille vous dire quelque chose de désobligeant? Ce n'est pas mon intention, je vous assure. Chacun sait que vous êtes mille fois plus belle et plus intelligente que Bertha. Mais voilà, vous n'êtes pas méchante. Et pour toujours obtenir à la longue ce qu'elle veut, parlez-moi d'une femme méchante. » Miss Barth la regarda en affectant un air de reproche. « Je croyais que vous aimiez tant Bertha. Oh, je l'aime. Il vaut toujours mieux aimer les personnes dangereuses. Mais elle l'est, dangereuse. Et si je l'ai jamais vue en veine de faire du mal, c'est dans ce moment-ci. L'air du pauvre Georges me renseigne à cet égard. Cet homme est un parfait baromètre. Il sait toujours quand Bertha est sur le point de tomber, » suggère Miss Barth. « Ne dites pas d'inconvenance. Vous savez qu'il croit toujours en elle. Et bien entendu, je ne prétends pas qu'il y ait rien de réellement coupable dans le cas de Bertha. Seulement, elle adore rendre les gens malheureux, et particulièrement ce pauvre Georges. Mais c'est qu'il semble taillé pour ce rôle. Je ne m'étonne pas qu'elle préfère une compagnie plus gaie. Oh, Georges n'est pas aussi funèbre que vous pourriez le croire. Si Bertha ne le tourmentait pas, il serait tout différent. Ou si elle le laissait tranquille et libre d'arranger sa vie à sa guise. Mais elle n'ose pas lui lâcher la bride sur le cou, à cause de l'argent. De sorte que quand lui n'est pas jaloux, elle fait semblant de l'être. » Miss Barth continua d'écrire en silence et son hôtesse se rassit, poursuivant le cours de ses pensées. Elle enfonçait le sourcil. « Savez-vous quoi ? » s'écria-t-elle après un long silence. « Je crois que je vais appeler Lawrence au téléphone et lui dire tout bonnement qu'il faut qu'il vienne. « Oh, ne faites pas cela !» dit Lily, rougissant brusquement. Cette rougeur la surprit presque autant que son hôtesse. Mrs. Trenor ne remarquait pas d'habitude les changements de physionomie. Elle regarda pourtant Lily d'un œil intrigué. « Mon Dieu, Lily, que vous êtes belle! Mais pourquoi? Vous déplaît-il tant que cela? Pas du tout, il me plaît. Mais si vous êtes poussée par l'intention bénévole de me protéger contre Bertha, je ne crois pas avoir besoin de votre protection. » Mrs. Trenor se mit debout avec une exclamation. « Lily, merci. Voulez-vous dire que c'est positivement fait ?» Miss Barth sourit. « Je veux simplement dire que M. Grice et moi sommes en train de devenir très bons amis. Je vois. » Mrs. Trenor fixa sur elle un œil ravi. « On dit, vous savez qu'il a 800 000 $ de rente. Et il ne dépense rien, sauf pour quelques sales vieux bouquins. Et sa mère a une maladie de cœur et lui laissera encore bien davantage. Oh, Lily, allez doucement, je vous en prie. La dura cette amie parfaite. » Miss Barth continua de sourire sans avoir l'air contrarié. « Par exemple, remarqua-t-elle, « je ne m'empresserai pas d'aller lui dire qu'il a un lot de sales vieux bouquins. »« Non, naturellement. Je sais que vous êtes merveilleuse pour vous mettre au courant des spécialités de chacun. Mais il est horriblement timide et facilement scandalisé et... Pourquoi ne pas le dire, Judy ? J'ai la réputation de courir après un mari riche. Oh, je ne veux pas dire cela. Il ne le croirait pas de vous, pour commencer, fit Mrs. Trenor avec une malice un peu naïve. Mais vous savez, on est assez vif ici quelquefois. Il faut que j'avertisse Jack et Gus, si vous supposez ce que sa mère appellerait une jeune fille faste. Mais vous me comprenez. Ne mettez pas votre crêpe de Chine rouge à dîner et ne fumez pas, si vous pouvez vous en empêcher, Lily chérie. Lily poussa de côté son travail terminé avec un sourire contraint. Vous êtes bonne, Judy. Je vais enfermer à clé mes cigarettes et je mettrai cette robe de l'an dernier que vous m'avez envoyée ce matin. Et si vous vous intéressez vraiment à mon avenir, peut-être serez-vous assez gentil pour ne pas me demander de jouer encore au bridge ce soir. Au bridge? Le bridge lui fait peur aussi. Oh, Lily, quelle vie affreuse vous mènerez. Mais naturellement, je ne vous réclamerai pas. Pourquoi ne pas m'avoir dit un mot hier soir? Il n'y a rien que je ne ferai à mon pauvre chou pour vous voir heureuse. » Et Mrs. Trenor, avec toute l'ardeur de son sexe, brûlant d'aplanir la voie du véritable amour, enveloppa Lily dans une longue étreinte. Et comme Lily se dégageait, « Vous êtes bien sûr, ajouta-t-elle avec sollicitude, que vous n'aimeriez pas que je téléphone à Lauren Seldon ?»« Tout à fait sûr, dit Lily. » Les trois jours suivants démontrèrent, à sa complète satisfaction personnelle, les talents de Miss Barth pour conduire ses affaires sans l'aide d'autrui. Assise, le samedi après-midi, sur la terrasse de Bellomont, elle souriait de la crainte de Mrs. Trenor qu'elle ne pût aller trop vite. Si un tel avertissement avait pu être jadis utile, les années lui avaient donné une leçon salutaire, et elle se flattait aujourd'hui de savoir régler son allure d'après l'objet de sa poursuite. Dans le cas de M. Grice, elle avait jugé bon de volter en avant, s'égarant artificieusement et l'attirant par degrés, sans qu'il s'en aperçût, dans les profondeurs de son intimité. L'atmosphère ambiante était favorable à ce mode de cour. Mrs. Trenor, fidèle à sa parole, n'avait pas fait mine de compter sur Lily à la table de bridge. Elle avait même prévenu les autres joueurs de ne manifester aucune surprise de cette défection insolite. En conséquence, Lily se trouva devenir le centre de cette sollicitude féminine qui enveloppe une jeune fille dans la saison du mariage. Une solitude fut tacitement créée pour elle dans l'existence encombrée de Bellomont, et ses amis n'auraient pu montrer plus d'empressement à s'effacer s'il se fût agi d'un mariage romanesque. Dans le clan de Lily, cette conduite impliquait une sympathique intelligence de ses desseins, et M. Grice grandit dans son estime à elle quand elle vit la considération qu'il inspirait. La terrasse de Bellomont, par une après-midi de septembre, était un lieu propice aux rêveries sentimentales. Et tandis que Miss Barth s'appuyait contre la balustrade, penchée sur le jardin profond, à une petite distance du groupe animé qui entourait la table à thé, elle paraissait perdue dans les dédales d'un indicible bonheur. En réalité, ses pensées trouvaient à s'exprimer de façon très précise dans la paisible récapitulation des joies qui lui étaient réservées. D'où elle se tenait, elle pouvait les voir ayant pris corps en la personne de M. Grice, qui, revêtu d'un léger pardessus et le foulard au cou, était assis quelque peu nerveux au bord de sa chaise, pendant que Carrie Fisher, avec toute l'énergie du regard et du geste dont la nature et l'art combiné l'avaient doué, insistait près de lui sur le devoir de prendre part à la réforme municipale. La réforme municipale, tel était le dernier dada de Mrs. Fisher. Il avait été précédé d'un zèle égal pour le socialisme qui avait remplacé, à son heure, une énergique apologie de la Christian Science. Mrs. Fisher était petite, ardente et dramatique. Ses mains et ses yeux étaient d'admirables instruments au service de toutes les causes qu'il lui arrivait d'adopter. Elle avait néanmoins le défaut de tous les enthousiastes. Ils ne s'aperçoivent pas de la mollesse avec laquelle leurs auditeurs leur répondent. Lily s'amusait à la voir ignorer la résistance que montrait, dans tous ses détails, la posture de M. Grice. Lily, elle, savait que l'esprit de M. Grice était partagé entre la peur de prendre froid s'il restait trop longtemps dehors à cette heure, et la crainte que s'il battait en retraite vers la maison, Mrs. Fisher ne le suivit avec un papier à signer. M. Grice avait une répugnance constitutionnelle pour ce qu'il appelait se compromettre, et si tendrement qu'il chérit sa santé, il était évident qu'il jugeait plus sage de se tenir hors de portée de la plume et de l'encrier jusqu'à ce que le hasard le délivrât des raids de Mrs. Fisher. En attendant, il jetait des regards d'agonie dans la direction de Miss Barth. Mais celle-ci n'y répondait qu'en s'abandonnant de plus en plus à une attitude de gracieuse absorption. Elle savait le prix du contraste pour mettre ses charmes en valeur. Elle se rendait pleinement compte à quel point la volubilité de Mrs. Fisher rehaussait sa propre indolence. Elle fut tirée de sa rêverie par l'approche de son cousin Jack Stepney, qui, aux côtés de Gwen Van Osburgh, traversait le jardin, revenant du tennis. Le couple en question vivait un roman analogue à celui où Lily figurait, et celle-ci éprouvait un certain désagrément à contempler ce qui lui semblait une caricature de sa propre situation. Miss Van Osburgh était une forte fille dont la physionomie manquait de relief et l'esprit de vivacité. Jack Stepney avait dit d'elle une fois qu'elle était de tout repos comme un rôti de mouton. Ses goûts à lui le portaient vers une nourriture moins substantielle et plus relevée. Mais la faim donne de la saveur à n'importe quel mets. Il y avait eu des périodes où M. Stepney avait été réduit à une croûte. Lily examina avec intérêt l'expression de leur figure. Celle de la jeune fille se tournait vers celle de son compagnon, comme une assiette vide que l'on avance pour la remplir, tandis que l'homme flânant à ses côtés trahissait déjà l'ennui croissant qui ferait bientôt craquer le mince vernis de son sourire. « Ah, que les hommes sont impatients !» se disait Lily. Jack, pour obtenir tout ce qu'il veut, n'a qu'à se tenir tranquille et laisser cette fille l'épouser. Au lieu que moi, il me faut calculer, combiner, avancer, puis reculer, comme si j'exécutais une danse compliquée, où un seul faux pas me jetterait de façon irrémédiable à contre-temps. Comme ils approchaient, elle fut bizarrement frappée par une sorte d'air de famille entre Miss Van Osburgh et Percy Grice. Il n'y avait aucune ressemblance dans les traits. Grice avait une espèce de beauté classique, celle d'un dessin de bon élève d'après la bosse, et le visage de Gwen n'avait pas plus de modelé qu'une figure peinte sur un ballon d'enfant. Mais l'affinité profonde était indéniable. Tous deux avaient les mêmes préjugés, le même idéal, et ce don de supprimer tout point de vue autre que le sien propre en l'ignorant. Cette grâce était commune à la plupart dans le clan de Lily. Ils avaient une force de négation suffisante pour abolir tout ce qui dépassait la portée de leur perception. Bref, Grice et Miss Van Osburgh étaient faits l'un pour l'autre, d'après toutes les lois de l'attraction physique et morale. Pourtant, ils n'auraient jamais eu l'idée de faire attention l'un à l'autre, pensait Lily. Chacun d'eux veut une créature de race différente, de la race de Jack et de la mienne, avec toutes sortes d'intuitions, de sensations, de perceptions, dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Ils arrivent toujours à se procurer ce qu'ils veulent. Elle resta debout, causant avec son cousin et Miss Van Osburgh, jusqu'à ce qu'un léger nuage sur le front de celle-ci vint l'avertir que même les aménités du cousinage étaient sujettes à suspicion. Et Miss Bart, attentive à ne pas se créer d'inimitié à ce tournant décisif de sa carrière, quitta le recouple qui se dirigeait vers la table à thé. S'asseyant sur la marche la plus élevée de la terrasse, Lily appuya la tête contre le chèvrefeuille qui festonnait la balustrade. Le parfum des dernières fleurs semblait une émanation de ce décor paisible, du paysage bien stylé qui atteignait le dernier degré de l'élégance rurale. Au premier plan, s'embrasaient les teintes chaudes des jardins. Au-delà, c'était la pelouse avec ses pyramides d'érable en or pâli, ses sapins veloutés, ses pâturages en pente, tachetés de bétail. Et, à travers une longue clairière, la rivière s'élargissait en lac sous la lumière argentée de septembre. Lily n'avait nul désir de se joindre au groupe qui entourait la table à thé. Ce groupe représentait l'avenir qu'elle avait choisi. Elle en était satisfaite de cet avenir, mais sans hâte d'anticiper ses joies. La certitude de pouvoir épouser Percy Grice quand il lui plairait avait délivré son esprit d'un pesant fardeau, et ses embarras d'argent étaient trop récents pour que leur disparition ne lui laissât pas un sentiment de soulagement qu'une intelligence moins perspicace aurait pu prendre pour du bonheur. Elle était au bout de ses tracas vulgaires. Elle pourrait arranger sa vie à sa guise, monter à cet empire de sécurité où les créanciers n'ont pas accès. Elle aurait des robes plus chics que Judy Traynor, et beaucoup, beaucoup plus de bijoux que Bertha Dorset. Elle serait libérée à jamais des subterfuges, des expédients, des humiliations imposées aux gens relativement pauvres. Au lieu d'avoir à flatter, c'est elle qui serait flattée. Au lieu d'être reconnaissante, c'est elle qui recevrait des remerciements. Il y avait des comptes anciens qu'elle pourrait régler et d'anciens bienfaits qu'elle pourrait reconnaître. Elle n'avait aucun doute sur l'étendue de son pouvoir. Elle savait que M. Grice était du petit type circonspect, le plus inaccessible de tous aux impulsions et aux émotions. Son caractère était de ceux chez qui la prudence est un vice, et les bons conseils la plus pernicieuse nourriture. Mais cette espèce n'était pas inconnue à Lily. Elle n'ignorait pas qu'une nature aussi parfaitement sur ses gardes est contrainte de trouver un immense débouché pour son égoïsme. Elle décida d'être pour lui ce que ses Americanas avaient été jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la seule propriété dont il s'enorgueillit suffisamment pour faire des dépenses en son honneur. Elle savait que cette générosité envers soi est un des modes de l'avarice, et elle résolut de s'identifier à tel point avec la vanité de son mari que de satisfaire ses désirs à elle deviendrait pour lui la façon la plus exquise de se gâter lui-même. Ce système la forcerait peut-être, d'abord, à recourir à quelques-uns de ses subterfuges, de ses expédients, dont elle entendait justement qu'il la délivrât. Mais elle était sûre qu'en peu de temps, elle serait capable de jouer le jeu à sa manière. Comment se serait-elle défiée de ses facultés? Sa beauté même n'était pas la simple possession éphémère qu'elle aurait pu demeurer aux mains d'une femme inexpérimentée. Son talent de la rehausser, le soin qu'elle en prenait, l'usage qu'elle en faisait, semblait lui conférer à cette beauté un caractère de permanence. Lily sentait qu'elle pouvait compter sur elle pour la conduire jusqu'au but. Et ce but, après tout, avait son prix. La vie n'était pas aussi dérisoire qu'elle l'avait cru, il y a 3 jours. Il y avait finalement place pour elle dans ce monde du plaisir, égoïste et encombré, d'où naguère sa pauvreté paraissait l'exclure. Ces gens qu'elle avait tout à la fois tournés en ridicule et enviés étaient charmés de l'accueillir dans ce cercle enchanté autour duquel tous ses désirs convergeaient. Ils n'étaient pas aussi brutaux, aussi infatués qu'elle l'avait imaginé, ou plutôt, puisqu'il ne serait plus nécessaire de les flatter et de les distraire, ce côté de leur nature devenait moins apparent, car la société est un astre en mouvement qu'on est apte à juger selon la place qu'il occupe dans le ciel de chaque individu, et maintenant c'était la face éclairée que Lily avait devant les yeux. À la lumière rose épandue par cet astre, ses compagnons semblaient tous pleins d'aimables qualités. Elle aimait leur élégance, leur légèreté, leur absence d'emphase. Même cette assurance, qui parfois ressemblait tant à de la stupidité, paraissait maintenant le signe naturel d'une supériorité sociale. Ils étaient les seigneurs du seul monde dont elle eut souci. Ils étaient prêts à lui ouvrir leur rang et à la laisser gouverner avec eux. Déjà, elle sentait s'insinuer en elle une sorte de soumission à leur critérium. Elle acceptait leurs limites. Elle devenait incrédule aux choses auxquelles ils ne croyaient pas. Elle éprouvait une pitié dédaigneuse pour ceux qui ne pouvaient pas vivre comme eux. Les premiers rayons du soleil couchant glissaient obliquement à travers le parc. Entre les branches de la longue avenue, au-delà des jardins, elle aperçut l'éclair jeté par les roues d'une voiture et devina que de nouveaux visiteurs arrivaient. Il y eut un mouvement derrière elle, un bruit de pas et de voix qui s'éparpillaient. Évidemment, le cercle autour de la table de thé s'était rompu. Peu après, elle entendit marcher sur la terrasse. Elle supposa que M. Grice avait enfin trouvé moyen d'échapper au sermon. Il sourit en songeant combien il était significatif qu'il vînt la rejoindre au lieu de se réfugier aussitôt près du feu. Elle se retourna, prête à l'accueillir comme une telle galanterie le méritait. Mais son salut vacilla, et elle rougit d'étonnement car l'homme qui s'approchait d'elle était Lorraine Seldon. « Vous voyez, dit-il, je suis venu en fin de compte. » Mais elle n'eut pas le temps de lui répondre, mais ses Dorset, lâchant son hôte au milieu d'un morne entretien, vint se jeter entre eux avec un petit geste de revendication.